Je parcours la nuit à travers ta lumière. Je parcours ma vie sans regarder derrière. Mais si long est mon chemin sans toi m'écouter, mais si long sont mes matins, et je cherche à en trouver, mais je m'approche. Je suis si près, hors de ta lumière, bébé. J'avance, puis j'oublie. Pourquoi ai-je pris cette route? De l'autre côté, on dit que le temps nous écoute. J'y vois rien, je suis ébloui. Ces farces rallument. Prochaine à droite, oh, c'est promis. Je quitte cette brume et je m'approche. Je suis si près, oh, de ta lumière, oh. Salut.